Bonjour, nous sommes le groupe Beethoven des oiseaux et nous allons vous jouer un morceau intitulé Le territoire de l'amitié avec notre chef d'orchestre Khalid Al-Fassi et ses musiciens. Applaudissez-les, ils en ont bien le mérite. Allez, allez, allez, allez, allez, allez. Thank you.